Et si je passe ma vie à parler du temps d'avant, quelques prières en l'air, la chance tourne avec le vent. Maman me disait, fils, tu comprendras avec le temps. La vie est pleine d'embûches, je la prends à mes dépens. Inch'Allah, tout ira mieux, et j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux, on verra. Inch'Allah, tout ira mieux, ouais, j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux. Tout ira mieux, frère. Yeah. Mesdames et messieurs, aussi loin que je me rappelle, petit ténu en classe, je manquais déjà à l'appel. Le soir à la maison, les punitions sont sévères. Je mangeais des gros coups, j'étais pas privé de dessert. Les profs appellent en vain, le téléphone est coupé. Les grands frères font des OD, la planche est mal coupée. Je passe mon enfance au quartier avec des gars plus âgés. Je dors dehors et je fugue, ghetto naufragé. Engrainé par les potes, un jour une taf j'ai tiré. Une deuxième, une troisième avant de passer au paquet. En même pas quelques semaines, ma chambre est pleine de mégots. Et comme si ça suffisait pas, ben j'suis passé au bédo. J'viens juste d'avoir 16 ans et j'tombe pour vol avec arme. Bagarre en promenade au mitard, j'ai perdu mon âme. Maman versait des larmes quand les keufs m'ont cueilli. T'inquiète les gars du 9-5 m'ont bien accueilli. Et si je passe ma vie à parler du temps d'avant, quelques prières en l'air, la chance tourne avec le vent. Maman me disait, fils, tu comprendras avec le temps. La vie est pleine d'embûches, je la prends à mes dépens. Inch'Allah, tout ira mieux, et j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux, on verra. Inch'Allah, tout ira mieux, ouais, j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux, aucun courrier dans cette cellule santé, les seuls à Oni dire que 10 ans plus tard, ils diront tous qu'ils ont aidé Fouini. Bref, contrôle judiciaire libre en conditionnel. J'ai perdu mon temps, mon innocent, j'ai perdu le sommeil. Audience, les juges décident de mettre Fouini au foyer. Moi j'ai un père et j'ai une mère, j'ai rien à foutre au foyer. Fugue, RER et puis je débarque, heureuse quoi. La vie reprend son cours et maman pleure toujours ses fins de mois. Entre temps égaré, les parents sont séparés. Je fais des crédits chez les pissiers, maman esquive les huissiers. Le frigo est toujours vide, faut trouver des solutions. À peine sorti, je retombe pour séquestration. Avocat à 2 francs, on met la faute sur mes parents. Problème de discipline, maison d'arrêt des Yvelines. Je fais des pâtes, je fais du rap et puis je pense à Fatima. Et dire que c'est dans ce trou à rat que j'ai appris le Fatiha. Amin, le temps c'est de l'argent, moi j'ai ni l'un ni l'autre. Toujours les mêmes qui s'en sortent, toujours les mêmes qui se vautrent. Je passe mon temps devant la télé, pédale ou les déconnes. J'ai pas connu la Rolls Royce, mais le parloir fantôme. Après quelques temps à tourner, frère, je suis enfin libérable. J'arrive chez moi, pas le temps de souffler, que j'ai déjà pété un câble. Avis d'expulsion sur ma porte, la daronne inconsolable. Les grands frères trouvent des solutions, moi cherche un bise rentable. On m'avance 1 kilo, puis 2 kilo. Je coupe mes plaquettes dans la cave, j'ai des rêves de 6 gros. Les clients, les plaquettes, l'argent ça va, ça vient. Je n'ai pas de maman pour le loyer, elle me demande pas d'où ça vient. Et si je passe ma vie à parler du temps d'avant, quelques prières en l'air, la chance tourne avec le vent. Maman me disait, fils, tu comprendras avec le temps. La vie est pleine d'embûches, je la prends à mes dépens. Inch'Allah, tout ira mieux, et j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux, on verra. Inch'Allah, tout ira mieux, ouais, j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux. Yeah, yeah. Écran plasma, PlayStation 3. Si tout va bien le mois prochain, on sort le M3. Enfin la vie nous sourit, j'ai mis des sous de côté. Nique sa mère les contes de fées, on veut rouler en féfé. Mais les plus belles histoires ont une fin. Ce matin à la gare de Trappe, les gyrophares, les menottes et les chiens. 72 heures de garde, voilà c'est la haise. Mais devant les keufs, j'ai un point commun avec MAS. On était 16 interpellés, enfin 17 je crois. Mais seulement 2 incarcérés, va savoir pourquoi. Bande organisée, trafic de stupéfiants. La juge, la rue, les procureurs m'ont tous rendu méfiant. Et dans cette chienne de vie, frérot, je me suis fait tout seul. À la recherche du bonheur, nique sa mère Google. Maintenant tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai enduré. Ici pour un billet violé, les toxicos te tueraient. Les petits m'aiment bien et connaissent ma haine envers les procureurs. Je rappe un couteau dans le torse, normal que je sois ton coup de cœur. Et si je passe ma vie à parler du temps d'avant, quelques prières en l'air, la chance tourne avec le vent. Maman me disait, fils, tu comprendras avec le temps. La vie est pleine d'embûches, je la prends à mes dépens. Inch'Allah, tout ira mieux, et j'espère. Inch'Allah, tout ira mieux, on verra.